La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Frédéric Chopin est né le 1er mars 1810 en Pologne, près de Varsovie, et il est mort 39 années plus tard à Paris, place Vendôme, où il était installé depuis quelques jours seulement. Dans l'enfance comme dans l'âge adulte, il avait sans cesse bougé, déménagé, vécu dans plusieurs pays d'Europe, comme en Espagne ou en Angleterre, en France aussi, évidemment, tout au long d'une vie que nous a racontée hier Pascal Fautrier, au cours d'une émission à réécouter, si vous le souhaitez, en podcast. Demain, nous nous intéresserons plus particulièrement au Chopin des salons parisiens, au pianiste virtuose, à ses liens avec Franz Liszt et également à son rapport avec le romantisme. Mon invité sera Cécile Reynaud. Tandis que jeudi, nous terminerons la semaine en parlant de l'amour entre George Sand et lui, ainsi que de leurs étés passés dans la propriété de l'écrivaine à Nohant. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de l'œuvre de Frédéric Chopin, nous sommes avec Jean-Jacques Egeldinger, professeur émérite de l'Université de Genève, auteur de nombreux ouvrages sur le compositeur, dont Chopin, âme des salons parisiens, 1830-1848, publié en 2013 aux éditions Fayard, éditeur où il a publié également l'univers musical de Chopin en 2000, Frédéric Chopin en 2003 et Chopin vu par ses élèves en 2006. Bienvenue à tous dans la Compagnie des œuvres. L'art le plus exquis et le plus particulier de Chopin, et par là où il diffère le plus merveilleusement de tous les autres, je le vois dans cette ininterruption de la phrase, dans l'insensible, l'imperceptible glissement d'une proposition mélodique à une autre qui laisse ou donne à nombre de ses compositions l'apparence fluide des rivières. Par où cette musique rappelle la discontinue mélodie de la clarinette arabe qui ne laisse point sentir le moment où le musicien reprend souffle. Il n'y a plus là ni point ni virgule. Et il est vrai que, comme l'écrivait Gide, on n'entend pas les coutures. Chez Frédéric Chopin, tout semble aller d'une seule et même coulée. Bonjour Jean-Jacques Egeldinger. Bonjour. Cette fluidité de l'œuvre de Chopin, c'est peut-être ce qui marque le plus au premier abord. Oui, c'est un des aspects qui nous fait rêver à travers les sons, en somme. Et au-delà même, on sent chez Chopin une fluidité, un flux qui dérive beaucoup, qui s'apparente, disons plutôt, à celui de Mozart, auquel il tenait beaucoup à cet égard-là. Et évidemment que Chopin, lui, explore des régions du piano forte de l'époque, du piano Pleyel de l'époque, etc., des régions de timbre, de sonorité, avec une prescience qui ira du côté de Debussy et d'autres, comme on sait. Donc de l'école française de musique ? Pas seulement, certainement de l'école russe aussi, beaucoup, voyez, autour de Scriabine ou Rachmaninov, voyez aussi quelques éléments en Allemagne, qui est moins réceptive à l'œuvre de Chopin, mais Brahms tout de même la connaissait admirablement, on en entend des échos, et puis on en entend jusque en Espagne, etc., chez Manuel de Falla ou d'autres. Donc Scriabine, Rachmaninov, Brahms, Debussy, tout à l'heure vous avez employé le mot de rêve, c'est peut-être justement ce qui fait le lien entre tous ces compositeurs et c'est cela qu'on entend de prime abord dans la musique de Chopin. C'est peut-être ce que nous entendons, nous, dans notre époque, et ce dont nous avons éventuellement besoin aussi d'entendre. Mais c'est évident que c'est présent dans son œuvre, et c'est aussi évident qu'il a fait rêver, pour reprendre le mot, ses contemporains, que ce soit dans des auditions intimes, que ce soit en effet dans les salons, que ce soit dans des grands concerts publics dont il a si peu donné, que ce soit en France, en Angleterre ou ailleurs. Enfin, c'est évidemment un personnage qui est chargé de mythes, en somme. Alors, comment peut-on parler de l'œuvre de Chopin ? C'est une œuvre à la fois complexe et limpide. La limpidité, on l'entend de prime abord. La complexité, on la voit peut-être moins, Jean-Jacques et Geldinger. Oui, parce qu'il y a, dans sa rédaction aussi exigeante, une élégance, il faut le dire comme ça, une exigence pour cette élégance qui est considérable. Vous voyez, c'est difficile, Ravel, par exemple, considérait qu'il n'y avait pas véritablement évolution chez Chopin. Vous voyez qu'il a écrit que Chopin était lui-même complètement « De lacidarem la mano », opus 2, écrit à 17 ans, 18 ans, et que, bon, on voyait un affinement considérable des moyens. Il parle de la barcarolle, il parle de la Polonaise fantaisie. Et c'est sûr que dans les œuvres qui sont entre 40 et 47, tous les derniers opus très importants, on assiste à une ligne polyphonique sous-jacente qui est présente. Chopin pense la musique essentiellement linéairement. Et il l'écrit avec un soin extrême de ce point de vue-là. Et c'est les rencontres de ces lignes qui produisent très souvent les harmonies merveilleuses, nouvelles, surprenantes qu'on entend dans sa musique. Et ces rencontres, comment se font-elles alors ? On sait que Chopin improvisait énormément. Est-ce qu'il laissait une grande place au hasard dans la rencontre des différentes lignes dont vous parlez à l'instant, Jean-Jacques et Geldinger ? Oui, c'est un problème extrêmement intéressant. C'est presque un paradoxe chez Chopin que cette spontanéité extraordinaire, ce don inné, immense de l'improvisation, on a des témoignages que vous connaissez, de sa capacité d'improviser dès l'enfance, pendant presque des heures. Et dit-on, dit Fontana, son intime de l'époque, dit qu'il ne répète pas une seule mesure de lui-même ou de quelqu'un d'autre. Il y a donc une créativité, semble-t-il, extraordinaire qui, elle aussi, fait rêver. Et puis, il y a une exigence qui lui vient de son professeur Elsner, qui est un descendant de Mozart et de Bach, pour ce qui est de l'écriture. Alors évidemment, entre la liberté incroyable et la spontanéité inouïe de l'improvisation, très nourrie de folklore aussi, et puis cette rédaction qui lui donne tant de mal et qui lui coûte tant d'efforts, eh ben on a une sorte de souffrance, et Chopin l'a exprimé en disant que c'était que l'écriture était ses notes, en polonais nuti et nudi, c'est-à-dire notes et écriture, c'est tourment, pardon, que les notes écrites étaient son tourment. Voilà, bref. Comme vous en parlez, on a l'impression qu'il composait dans une sorte d'état second, comme si lui-même ne dirigeait pas tout à fait ce qu'il inscrivait sur les partitions. Or, on sait qu'il raturait beaucoup. Oui, oui, on a quelques exemples très fameux de ça, et surtout conservés pour les dernières œuvres. C'est pas à dire que ça n'existe pas avant, parce que nous autres musicologues croyons toujours que ce que nous connaissons est la seule chose qui existe. Mais il y a tout le reste. Mais c'est évident que la rédaction lui était difficile et exigeante. Il y a aucun doute à cet égard-là, et que l'improvisation, vous parlez d'un état second. Peut-être. Après tout, on sait que tout enfant, par exemple, il improvisait à la lecture de récits épiques de l'ancienne Pologne. Alors, on avait des amis de la famille, des collégiens qui disaient « raconte-nous la bataille d'Ostrolenko ». Par exemple, et Chopin se mettait au piano et racontait la bataille d'Ostrolenko. Il y avait des musiques guerrières à l'époque, on connaît Méhul et d'autres aussi. Et donc, il y a un aspect narratif, un aspect épique, et un aspect lyrique et dramatique aussi, qui finalement s'organise pour la composition, par exemple, dans les ballades. Enfin, par exemple. Donc il raconte toujours une histoire, Chopin ? Non, on ne peut pas dire ça. En tout cas, c'est une histoire sans parole. Je dirais pas du tout que, contrairement à Schumann, qui est un homme, qui est un littéraire, c'est pas que Chopin ne le soit pas, il n'ait pas été éduqué dans ce sens-là par son père et son milieu, sûrement pas. Mais c'est quelqu'un qui est au-delà des mots. C'est ohne Worte, comme dirait Mendelssohn, sans parole, en somme. C'est une histoire purement musicale, mais qui a des caractères de l'épopée, qui peut être musicale, du drame, qui peut l'être, du lyrisme, qui peut l'être dans les nocturnes, etc. Mais quel pouvait être son rapport avec les écrivains? On parlera de son rapport à George Sand plus spécifiquement jeudi, mais oui, son rapport à la littérature. C'était quelqu'un qui était peut-être, c'est une suggestion, c'est rien de plus, un peu comme Schubert, placé dans un milieu extraordinairement riche, et en Pologne, toute l'université de Varsovie qui, autour de laquelle son père gravitait, qui était une sorte de campus qu'on peut toujours voir comme tel, eh bien, était farci de philosophes, de poètes, d'esprits que Chopin connaissait et lisait, et dont il était nourri, mais sans forcément être comme un Schumann ou comme un Brahms, constamment la tête dans des livres. Mmh. Je crois qu'il n'en avait ni le temps, ni peut-être tout à fait le goût, ni tout à fait la santé. Enfin, il a tout de même une vie très brève pour ce qu'il nous a donné. Vous écoutez la Compagnie des œuvres et vous êtes bien sur France Culture. Nous parlons de la musique de Chopin avec vous, Jean-Jacques Egeldinger. On entend derrière nous la ballade numéro 4 de Chopin par Yves Henry. Essayons de rentrer un peu plus dans la caractérisation encore de cette musique. Le jeu de Chopin est souvent associé à la technique du legato. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu ce que c'est que le legato et puis expliquer pourquoi c'est chopinesque, si l'on peut dire. Donc, legato veut dire lié. Hein, c'est le terme italien qu'on utilise dans toute l'Europe, beaucoup à travers l'art du violon et du bel canto, dès le XVIIIe siècle, naturellement. Et Chopin, qui est un grand ami du bel canto, qui adore et qui connaissait Rossini par cœur, par exemple, à Varsovie, il avait entendu tout ce qu'on avait pu donner au Théâtre National, et il lui arrive à Vienne, par exemple, dans un salon ex improviso, de rencontrer un ténor très célèbre, et de se mettre au piano pour l'accompagner dans tel l'air, son partition. Donc, c'était la nourriture de Chopin. Mozart aussi, Cimarosa aussi, voilà. D'ailleurs, il disait à ses élèves, si vous voulez jouer du piano, il faut que vous chantiez, il faut que vous sachiez chanter. C'est ça. Il l'a dit tout à fait, et plus d'une fois, et il insistait énormément sur ce caractère de cantabile attiré d'un instrument dont on sait tous que le principe est percussif. Mais ceci dit aussi, son amour des instruments comme les pleyels de l'époque est révélateur de ce qu'il cherchait, de ce qu'il aimait dans le toucher et la sonorité. Les deux choses allant ensemble, la mécanique et le son. On voit très très bien. Et donc, tout ce qui est nocturne, tout ce qui est effusion lyrique dans des mouvements lents de concerto, de sonate par exemple, eh bien, est lié à ce jeu legato qui lui importait. On pourrait utiliser un autre mot pour tenter de caractériser encore un peu plus sa musique, mais qui va, je trouve, un petit peu dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est le rubato. Alors, même chose, oui. Jean-Jacques Egeldinger, qu'est-ce que le rubato? Alors là, c'est une question terriblement difficile que vous posez. Donc, rubato veut dire voler, dérober. Un tempo rubato, dérobé. Alors, c'est un art qui est d'ailleurs lié au chant, mais aussi au violon, et puis progressivement Mozart le pratiquait au piano, qui est issu du chant italien du 18e, hein, et où on observe chez le soliste un petit décalage par moment par rapport à l'accompagnement, que ce soit une main gauche au piano, ou que ce soit l'orchestre quand c'est un chanteur, etc. Et que ce chanteur, ou oui, ce joueur, ce Spieler, comme on dirait en allemand, eh bien, se permet d'avancer à peine et de compenser en retardant. C'est un système compensatoire. Ça, c'est la tradition bel canto qui remonte vraiment au début du XVIIIe. Mais qui, du coup, est une tradition de la souplesse. Oui. Or, on a tendance à imaginer Chopin comme étant un homme un peu rigide. Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, une manière pour Chopin de s'évader dans la musique d'une réalité dans laquelle il est peut-être davantage tenu? Bien, là aussi, on a affaire à un élément peut-être paradoxal du type de ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens qu'on a des témoignages où Chopin était très, très, très rigoureux dans son enseignement pour que cette main gauche, si elle s'y prête, soit comme un maître de chapelle qui bat la mesure. Et là-dessus, il a tyrannisé ses meilleurs élèves. Donc, il était tout à fait ferme. Mais en même temps, il s'agissait, selon l'inspiration du moment, de laisser le kairos, le moment favorable, s'épanouir. Et pour lui, ça arrivait souvent entre amis, en fin de soirée, etc., comme on le sait. Mais c'était la chose qu'on ne peut pas noter, le rubato. Alors, c'est aussi très intéressant de voir que Chopin, dans ses éditions, a noté le mot rubato essentiellement dans les mazurkas et dans les concertos. Et que c'est naturellement lié à la cadence un peu capricieuse, à l'accent mobile de certains type de mazurka populaire, donc il connaissait la chose par cœur, et qu'il pratiquait sans toujours pouvoir la noter. Il a noté au maximum les accents qu'il pouvait, d'allongement ou d'intensité, et puis finalement, passé les études opus 25, grosso modo, il a renoncé à cette indication, Liszt disant que ceux qui connaissaient Chopin savaient de quoi il s'agissait et les autres ne comprenaient pas. Alors c'est assez beau ce que vous dites dans votre livre Chopin, Jean-Jacques et Geldinger, sur ce qu'il disait à ses élèves. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet-là et il leur répétait très très souvent, je crois que l'adverbe apparaît 7 fois dans ce manuscrit des esquisses pour une méthode de piano, qui est un livre que Chopin, enfin un livre, bon, des écrits disons de Chopin, et il répétait très souvent le mot facilement. Qu'est-ce qu'on peut entendre dans cet adverbe ? Bien justement, c'est cette souplesse physique qu'il avait, paraît-il lui-même, au dernier degré, d'après les descriptions qu'on a, et qu'il demandait, et qui était aussi le produit d'une concentration mentale. C'est quelqu'un qui abhorrait la répétition mécanique d'exercice. Et il n'a pas passé, comme l'a fait le grand Liszt, son enfance chez Tcherny à 3 ans, où on était vraiment... Voilà, Tcherny a vraiment travaillé très, très fortement ce côté mécanique. Chopin a travaillé énormément, il a ausculté son piano d'une manière inouïe et totalement nouvelle, d'une manière assez secrète, on n'en connaît presque rien. Mais enfin, puisque vous faites allusion à cette méthode, il y a une phrase magnifique dans laquelle il montre la merveilleuse adéquation qu'il y a entre la conformation de la main et la morphologie du clavier. Mmh. Et comment est-ce que Chopin trouve merveilleuse l'invention du clavier avec ses 2 et puis 3 touches noires qui sont pour les doigts longs, qui servent de point d'appui et qui lui permettent de vagabonder, si j'ose me permettre le mot, dans les tonalités fortement diésées et bémolisées qu'il adore, hein, pour des raisons aussi affectives. Tout le monde a un Chopin quelque part, et il le porte en lui, il le déforme même parfois dans sa mémoire, pendant des années peut-être, ça peut arriver, il le couvre comme ça, et au moment où résonne la musique de Chopin, sous les doigts de l'interprète, donc déjà une musique nouvelle, si vous voulez, l'auditeur confronte son propre fantasme de cette musique avec ce qu'il reçoit. Et ça, c'est la merveille de la musique, c'est la merveille de la musique romantique, c'est la merveille non seulement de Chopin, mais de Schumann, de Liszt, de beaucoup de grands compositeurs. C'est ce contrepoint à 3. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. La musique de Chopin interagit avec l'auditeur. Chacun son Chopin, disait en archive André Beaucourt-Elieff. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Jacques Geldinger? Oui, je pense que d'une certaine manière, c'est vrai, ça, il s'adresse à chacun. On en a peut-être aussi reçu, et on s'en libère éventuellement, des images toutes faites qui conviendrait de laisser un peu derrière soi. Vous voyez, le Chopin pour les estrades de virtuose, qu'on a beaucoup, beaucoup tiré de ce côté-là. Ah, on en parlera demain quand même. Voilà. Non, j'entends. Il était lui-même un grand virtuose, achevé. Mais il y a renoncé pour différentes raisons. Ou bien, le Chopin des jeunes filles en fleurs aussi, etc. Donc, il y a tous ces éléments d'une réception de Chopin qui, à travers les années de la fin du 19e et jusqu'à l'entre-deux-guerres, peut-être, souffre un petit peu de... Voilà. Alors, nous sommes devenus très authentiques et par là même un peu pénibles aussi, quelquefois, sur certaines notions. Il s'agit toujours que le charme fondamental opère. Est-ce que cette musique de Chopin, dont on commence à comprendre de plus en plus de quoi elle est faite, elle ne s'oppose pas à une autre musique qui serait celle de Beethoven ? S'opposer peut-être est beaucoup dire, mais en tous les cas, c'est un fait que, contrairement à de ses contemporains et de ses successeurs immédiats, Chopin n'a pas été... alourdi, si j'osais ce terme, par l'héritage beethovenien. Vous voyez que Schumann en a tenu grandement compte, que Brahms aussi, et que l'œuvre de Wagner et l'œuvre de Liszt, si j'entends les poèmes symphoniques, sont les deux réactions au milieu du siècle, dans les années 50, en face de l'héritage beethovenien. Chopin a échappé à ça, en quelque sorte. Il l'a dit lui-même, il lui préférait de beaucoup Mozart. Il avait ce culte de Bach, il avait le culte du bel canto et de Bellini en particulier, qu'il a connu alors à Paris, en venant à Paris, de ses mélodies longues et longues et longues, comme a dit Verdi par la suite. Et puis enfin, il y avait ce folklore polonais dont il était imprégné complètement et qui est une chose totalement nouvelle. Est-ce que le côté un peu musique d'autorité de Beethoven pouvait le rebuter quand lui semble inviter l'auditeur à se joindre à sa musique? On a l'impression, quand on écoute du Chopin, qu'on doit y mettre du sien, alors que dans Beethoven, c'est comme si tout vous était donné. C'est aussi très beau, mais c'est un petit peu différent. On sait que certaines œuvres qu'il aimait dans Beethoven, pour parler des sonates, et qu'il faisait aussi jouer à ses élèves, il n'échappait pas du tout à la sonate dite au clair de lune, mais qu'il avait une très grande admiration pour la sonate avec la marche funèbre, et qui commence par des variations qu'il jouait constamment, et dit Lenz d'une manière tout à fait merveilleuse. Et Schubert, est-ce qu'il avait aussi, à l'égard de Schubert, une sorte de réticence, ou en tous les cas, est-ce qu'il lui reprochait certaines choses? Eh bien là, on ne sait pas, enfin je ne sais pas. Véritablement, c'est une question que je me suis naturellement posée. On a très très peu d'éléments qui rapprocheraient Chopin Schubert. Pourtant, il a vécu à Vienne juste après la mort de Schubert. Il y était en 30-31, Schubert est mort en 28, comme on sait. Mais enfin, tout de même, je trouve que dans tel lead, du côté des leaders surtout, je trouve que dans tel lead, vous avez des éléments qui peuvent se rapprocher des préludes, par exemple, dans un lead de la Belle Meunière, dans un lead du Voyage d'hiver aussi. Il y a des climats. Ceci dit, les sonates, il ne les connaissait pas. Il connaissait bien les impromptus, seulement les deux premiers. Les autres n'existaient pas encore, n'avaient pas été publiés. Est-ce que c'est le côté peut-être mélodramatique, parfois, de Schubert qui pouvait le rebuter? Je ne pense pas que rien n'est absolument... rebuté, disons, on ne le sait pas, hein. Je ne pourrais pas l'affirmer, mais peut-être qu'il était tributaire un peu du Schubert des Ländler, qu'il aimait beaucoup, du Schubert viennois, du Schubert peut-être des trios aussi, voilà. Il était premièrement peut-être le plus grand disciple, après sa mort, de Bach. C'est quelque chose de très frappant dans sa carrière, que toujours pour lui, Bach était le premier compositeur. Il était très influencé par le clavecin bien tempéré. Et ces préludes, par exemple, sont basés sur la progression des gammes des deux livres de Bach. Deuxièmement, c'est un compositeur qui a pas seulement investigué les différentes tonalités avec une profondeur, toujours dans... il était un miniaturiste, si vous voulez, dans plusieurs compositions, mais il a investigué les tonalités et les relations entre les gammes d'une manière que personne ne l'a fait avant lui. Et c'est pour ça que, par exemple, Schumann a reconnu que c'est, voilà, devenu un très grand génie. Schumann était critique et compositeur en même temps, et il a salué Chopin comme un des plus grands esprits de son temps. La compagnie des œuvres, qu'est-ce que vous retenez, Jean-Jacques et Geldinger, de ce que disait en archive Edouard Saïd, théoricien et critique littéraire? Oui. Eh bien, évidemment, il y a beaucoup de vrai, à mon avis, dans l'influence énorme de Bach, la culture de Bach, l'amour de Bach jusqu'au bout, voilà. Et en particulier, effectivement, du clavier bien tempéré. Chopin a pu connaître bien d'autres choses, on sait qu'il a connu les inventions. Il aurait pu connaître, dès les années, milieu des années 30, pratiquement tout ce qu'on avait publié de l'œuvre de Bach. Il aurait pu y avoir accès, on ne le sait pas. C'est le clavier bien tempéré avant tout. Où je suis moins d'accord, c'est avec alors l'idée de miniaturiste. Ça, c'est une idée allemande. C'est une idée qui est liée, évidemment, à Schumann, alors qui intitule son carnaval scène mignonne. Et je ne trouve pas qu'il y ait quoi que ce soit de miniaturiste chez Chopin. Et c'est confondre, à mon avis, la litote ou la brièveté, l'épigramme, avec quelque chose qui est un peu diminutif. C'est un concept un peu germanique, disons, le concept de miniature en musique à cette époque-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on pourrait, ou qu'on dit, ou que certains disent en Allemagne, qu'il est un miniaturiste? Qu'est-ce qui peut donner l'impression de cela, même si vous n'êtes pas d'accord? Non, mais je pense que là, il est question des préludes, et les préludes sont d'une brièveté extraordinaire, plus brève que la moindre des miniatures allemandes, puisqu'il est plus court de 30 secondes, n'est-ce pas? Voilà, je pense que Schumann, le Schumann des scènes d'enfants, le Schumann merveilleux des scènes de la forêt, le Schumann des Bunteblätter, ou le Albumblätter, enfin, qui se réunit à travers des morceaux qu'il a laissé dans ses tiroirs, quelquefois je ne parle pas des scènes naturellement, et bien évidemment ça c'est assez étranger à Chopin, qui est un esprit très exigeant et transcendant de ce côté-là, je trouve. Oui. Alors je crois qu'il faut parler un petit peu quand même du piano et du rapport au piano, parce que il y a quelque chose d'assez singulier, je crois, avec Chopin, qui est qu'il n'a quasiment composé que des œuvres pour le piano. Pour quelle raison, selon vous? Est-ce que c'est parce qu'il répugnait finalement à ne pas tout entendre en même temps qu'il composait? Qu'est-ce qui vous fait penser que... qu'est-ce qui, pour vous, fait qu'il a utilisé seulement cet instrument, ou presque? L'impression, mais c'est une impression personnelle, c'est que c'est vraiment l'amour de l'instrument. C'est un amour exclusif, disons ça comme ça, puisqu'on ne connaît pas d'œuvre de Chopin où il n'y ait pas de piano. Alors, il y a bien sûr une grande sonate de violoncelle, il y a des œuvres de violoncelle en trio, il y a des mélodies aussi, qui n'étaient pas destinées à la publication, etc. Mais le rapport de Chopin avec le piano est quelque chose comme son alter ego. En somme, je vois ça comme ça, essentiellement. Et donc, s'en détacher aurait été sortir de son univers. C'est aussi l'instrument le seul qui maîtrisait complètement. On ne sache pas que, à part de l'orgue, Chopin ait vraiment joué du violon ou autre chose. En tout cas, pas de manière poussée. Et je crois que les couleurs qu'il pouvait en tirer, le timbre, l'imagination qu'il pouvait y faire surgir, le contact physique aussi avec le clavier et de l'oreille, avec ce qui se passait au bout des cordes, chez lui était extraordinairement aigu. Donc c'est quelque chose de presque sensuel, oui, que ce rapport au piano. Sensuel et spirituel, les deux, je dirais. Il y a certainement une sensorialité des doigts qui fait qu'on peut pas trop bien jouer Chopin si on l'a pas cultivé ou si on l'a pas en soi-même ou développé. Et il y a aussi naturellement un aspect spirituel chez Chopin. On a l'impression qu'il se confie à son piano, qu'il lui fait des confidences. Oui. C'est son confident. Certainement, on a une lettre, par exemple, de Vienne, où il est assez malheureux en 1831, et il doit faire bonne figure, comme il a tant fait plus tard à Paris, dans les salons, et il écrit à je ne sais plus qui, eh bien voilà, quand je rentre chez moi, je fulmine sur mon piano. Donc il y a un rapport, évidemment, du type que vous dites, là, oui. Son travail était, dites-vous, un work in progress. Qu'est-ce que ça signifie ? Il y a quelque chose d'un peu anachronique dans l'utilisation de cette expression. Qu'est-ce que ça signifie ? Ce que j'ai voulu dire par là, c'est la difficulté pour Chopin d'envisager qu'une œuvre soit définitivement terminée, soit fini, en quelque sorte. C'est, finir lui était très difficile et presque contraire par rapport justement à ce qu'on disait aussi de l'esprit d'improvisation tout à l'heure. Et donc, ce serait peut-être long à expliquer, mais tout le processus éditorial de Chopin est extrêmement intéressant parce que, comme il éditait simultanément ou à peu près à Paris, à Londres et en Allemagne, il lui fallait avoir deux, voire trois sources, ça dépendait, c'était au cas d'espèce chaque fois, c'est compliqué, mais il donnait à Paris son manuscrit le moins achevé pour pouvoir corriger les épreuves. Est-ce qu'on imagine Chopin corrigeant des épreuves ? Eh ben oui. Et il le faisait avec une minutie extrême. Il le confiait quelquefois dans une première lecture à des élèves doués. Mais enfin, il y a cet aspect justement perfectionniste qui va assez. Alors, en plus, on retirait, puisque c'est de la lithographie. Et il lui arrive d'amener des corrections d'une version à l'autre, de corriger des erreurs, un dièse manquant ou que sais-je, mais aussi d'introduire une variante ou une note dans une harmonie. Et un cas vraiment, je le cite, parce qu'il est frappant. Vous voyez la sonate dite funèbre, et vous voyez, on n'a pas le manuscrit, mais seulement une copie d'un élève et les premières éditions, vous voyez le mouvement intitulé « Marche funèbre ». Et dans le deuxième ou troisième tirage français, Chopin a barré le mot « marche ». C'était une tautologie, ce n'est pas une marche pastorale ou de triomphe ou de mariage. Donc le travail sur les partitions, le retravail au fur et à mesure, vous a beaucoup appris sur la manière dont il composait ? Oui, en partie, et sur la manière dont il voyait son œuvre, comme aussi finalement ce qu'on a conservé ou connu des exemplaires qui ont servi à ses élèves pour les leçons. Il y en a quelques-uns très évocateurs, dont celui dont je vous parlais pour la marche funèbre, mais où vous voyez que Chopin corrige encore, ajoute telle ou telle variante dans telle mazurka, dans telle nocturne, pour tel et tel élève, ici et là. Donc, c'est dans ce sens-là que je parlais de work in progress, si vous voulez, dans le sens où il faut que l'élément improvisé soit vivant jusqu'au bout. C'est intéressant par rapport à ce que vous disiez aussi au début de cette émission, la remarque que faisait Ravel sur l'idée que finalement Chopin était Chopin dès le début et qu'il resterait le même jusqu'à la fin de sa vie. Mais en fait, c'est qu'il retravaille en permanence, que rien n'est jamais terminé, rien n'est jamais achevé. Tout est toujours ouvert, finalement, chez Chopin. Oui, d'autant qu'il est amené à tout moment, surtout d'ailleurs par son enseignement, mais pas exclusivement, dans les salons aussi beaucoup, à jouer son œuvre. Et, par exemple, aussi, on parle à tout moment de telle œuvre qui a été terminée à tel moment. Ça, on le sait souvent, à cause des accords, les œuvres destinées à la publication. Mais ce qu'on ne sait souvent pas, c'est quand Chopin a commencé une œuvre. Et vous voyez, par exemple, la deuxième ballade, qui a été publiée en 1839-40, eh bien, Chopin a joué dans une autre version à Schumann en 36. Et le Chopin qui allait dans les salons semble avoir testé d'une certaine manière la façon dont étaient reçues les œuvres qu'il y jouait. Est-ce qu'il pouvait reprendre aussi des œuvres très anciennes ? Parce qu'il y a une immense précocité de Chopin. On en parlait déjà hier. Est-ce qu'il allait jusqu'à retrouver et retravailler des œuvres de jeunesse ? En tout cas, il y jouait aussi des œuvres qui avaient du succès, qu'on aimait. qu'on aimait lui entendre jouer. La mazurka en si bémol, fa sol, la si, il l'a joué jusqu'en Angleterre à la fin de sa vie. Le nocturne en mi bémol, le deuxième, l'opus 9, eh bien, il lui a fait des variantes à n'en plus finir dans 7 ou 8 exemplaires d'élèves. Donc c'est un problème pour les éditeurs, si vous voulez. Le but n'est pas de savoir jouer tout d'un son égal. Il me semble d'un mécanisme bien formé de savoir bien nuancer une belle qualité de son. On a longtemps agi contre nature en exerçant les doigts à donner de la force égale. Chaque doigt étant conformé différemment, il vaut mieux ne pas chercher à détruire le charme du toucher spécial de chaque doigt, mais au contraire le développer. Chaque doigt a de la force selon sa conformation. Le pouce, la plus grande, comme étant le plus gros, le plus court et le plus libre. Le cinquième, comme formant l'autre extrémité de la main. Le troisième, comme milieu et point d'appui. Le second après, et puis le quatrième, le plus faible. Celui qui est le siamois du troisième, lié à lui par un même ligament, et que l'on veut à toute force détacher du troisième, chose impossible et, Dieu merci, inutile. Autant de différents sons que de doigts, le tout, c'est de savoir bien doigter. Comme il faut utiliser la conformation des doigts, il faut non moins utiliser le reste de la main, c'est-à-dire le poignet, l'avant-bras et le bras. Il ne faut pas vouloir jouer tout du poignet. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Extrait lu par Wanda Bénès d'Esquisse pour une méthode de piano de Frédéric Chopin. Est-ce qu'il a beaucoup indiqué comment sa musique devait être jouée, Jean-Jacques Geldinger? Écoutez, on a quelques notations fragmentaires, surtout par son élève Lenz, également par une autre élève autrichienne, qui sont factuelles en quelque sorte. Chopin n'était pas un esprit, comment vous dire, didactique, rigide. Il avait des idées très extrêmement précises et une mécanique, si j'ose dire, du cerveau, tout à fait. Mais c'était pas quelqu'un qui agissait autrement que par allusion. En disant, ou par l'exemple, à travers ses cours. Oui, ben par exemple, j'ai l'exemple de un élève lui joue le premier mouvement de la sonate en la bémol de Weber, et à un moment donné, pour le deuxième thème, pour obtenir ce qu'il aimerait, Chopin lui dit, ben imagine-toi que à ce moment-là, un ange passe dans le ciel. Mais il lui donnait aussi des conseils très précisément de doigté qui lui arrivait d'inscrire dans les partitions et de nuances, de dynamique, d'agogique, tout ce qu'on veut naturellement. Et il considérait beaucoup que les mazurkas étaient difficilement enseignables étant donné leur liberté agogique. Oui, c'est ça. C'est là où on comprend peut-être un peu mieux, Jean-Jacques Geldinger, que chez Chopin tout se tient. L'enseignant est aussi le compositeur qui est aussi l'interprète et qui est aussi Chopin lui-même. Et finalement, il faut tout embrasser en même temps. On ne peut pas séparer ces différents personnages. Je pense qu'on a raison parce qu'on a beaucoup insisté trop lourdement sur le fait que Chopin avait eu à gagner sa vie par ses leçons. C'est tellement évident que c'est même pas la peine d'en parler. C'est évident. Mais les milieux dans lesquels il a évolué à Paris font que ses élèves étaient des amis ou des enfants d'amis et qu'ils étaient reliés à des musiciens, à des poètes. Et donc tout ça forme un cercle et dont les Polonais sont un axe très important, l'hôtel Lambert, les Czartoryski et tout ça, oui. Alors, est-ce que précisément ces élèves ont parlé de ce que Chopin leur apportait? Certains, je crois, ont évoqué une initiation en expliquant que finalement il y avait quelque chose qui allait au-delà de simplement montrer comment il fallait jouer, de simplement apprendre, mais c'était une aventure humaine que d'être élève de Chopin. Certainement. Certainement, on sent très bien dans un certain nombre de témoignages, surtout féminins d'ailleurs, sensibles, et que vous avez là l'idée qu'il y a un changement qui pourrait arriver dans l'orientation psychique ou intellectuelle. Et il y a des conseils qui sont très très proches de l'âme, disons. Voilà. Et Chopin, lisant beaucoup à travers l'élève, voyant très très vite, c'est quelqu'un qui avait un regard très très très perçant, si j'ose dire, voyant assez vite à qui il avait affaire et comment jouer avec la personne ou la faire jouer. Les études sont composées pour ses élèves ou pas du tout ? Non, elles ont été vraiment composées les premières jusqu'à l'âge de 22 ans, l'Opus 10, et puis les suivantes peut-être déjà aussi à ce moment-là, on ne sait pas en tout la chronologie, mais elles ont été publiées pour... pourquoi ? Sûrement pas... elles avaient un but pédagogique, malgré ce qu'on imagine. Elles n'apprenaient rien à qui ne savait déjà tout, presque. Mais c'est une nouvelle révélation du clavier. C'est une approche... vous voyez, les premières qui ont été écrites, les deux premières à 19 ans, ça on le sait, eh bien, vous avez tout de suite une manière d'embrasser le clavier d'un seul coup, ou bien au contraire de réduire à des demi-tons une course montante-descendante. Donc, deux mouvements qui sont complètement opposés, et qui demande des forces contraires, et ben, c'est évidemment une sorte de révélation pour les pianistes. Ça l'a été pour Liszt. Et on sait encore ceci qui est amusant, c'est que Liszt qui lisait tout, qui savait tout par cœur après avoir lu une fois une partition, qui pouvait la reproduire, n'a pas pu le faire avec les études de Chopin. Mmh. Pourtant, elles ne paraissent pas si complexes à l'oreille, et c'est là tout le génie, j'imagine, de Chopin. Mais je vous assure qu'elles sont difficiles à jouer. Vous avez écrit que Chopin avait voulu créer un nouveau monde avec ses études. Qu'est-ce que ça peut signifier exactement ? Ça signifie peut-être que le monde sonore des études va au-delà de ce qu'on avait exploré jusque-là. Si vous regardez, Dieu sait qu'il y a des centaines de recueils d'études, et parmi eux de très importants, chez Moscheles, chez un certain Kessler qu'on méconnaît encore, où vous trouvez l'embryon de l'étude dite révolutionnaire de Chopin, par exemple, ce serait intéressant à creuser. Eh bien, évidemment, c'est un monde sonore nouveau. C'est une manière de s'emparer de l'instrument, du clavier, des marteaux, des cordes, pour en faire, oui, si vous voulez, une révolution. Et, enfin. Et est-ce qu'on peut caractériser un petit peu plus cette révolution ? C'est difficile à caractériser parce qu'elle est liée chaque fois à un ou deux types de difficultés. Vous savez que le genre des études est en principe est ce qu'on appelle monothématique, c'est-à-dire utilise une idée. Il y a trois études sur les 24 qui en utilisent deux, par exception, c'est plutôt dans le second recueil d'ailleurs. Voilà, mais il s'agit de varier, de transposer, de jouer, de montrer ce qu'on peut faire à partir d'un élément qui se prête justement à une extension de la main. C'est une des choses chez Chopin. Vu qu'il y avait une toute petite main, paraît-il. Une petite main, mais très très souple. Oui, on a un moulage de Clessinger assez du sculpteur, assez évocateur, mais d'une souplesse extraordinaire. Et alors des mouvements qui, à travers le texte que vous avez fait lire tout à l'heure, qui montrent bien l'importance que pouvait avoir la physiologie de la main en face de la morphologie du clavier, en fond, oui, c'est ça. Donc les études, c'est le lieu initiatique de l'œuvre, oui. Et vous dites que les préludes, c'est la pierre angulaire de l'œuvre de Chopin. Alors les préludes, il y a eu tout un débat, Gide d'ailleurs s'en est emparé, pourquoi est-ce que Chopin appelait ses préludes des préludes, puisque au fond il ne préludait à rien. Je vous propose justement d'écouter une lecture de ce texte de Gide. J'avoue que je ne comprends pas bien le titre qu'il a plu à Chopin de donner à ses courts morceaux, prélude. Prélude à quoi ? Chacun des préludes de Bach est suivi de sa fugue, il fait corps avec elle. Mais je n'imagine guère plus volontiers tel de ces préludes de Chopin, suivi par tel autre morceau du même ton, fût-il du même auteur, que tous ces préludes de Chopin joués l'un aussitôt après l'autre. Chacun d'eux prélude à une méditation. Ce ne sont rien moins que des morceaux de concert. Nulle part Chopin ne s'est montré plus intime. Chacun d'eux, ou presque, et certains sont extrêmement courts, crée une atmosphère particulière, pose un décor sentimental, puis s'éteint comme un oiseau se pose, tout se tait. Tous ne sont pas également importants. Certains sont charmants, d'autres terribles. Il n'en est pas d'indifférent. Thank you. 24, interprété ici par Aya Okuyama. Liszt voyait dans ses préludes, Jean-Jacques et Geldinger, une fenêtre ouverte sur l'avenir. Ah oui, certainement. Certainement. Évidemment, le titre, le texte de Gide est magnifique, et on sait qu'il était un grand admirateur de Chopin, tout son volume sur Chopin en témoigne, son journal aussi. Et évidemment que les préludes sont, dans la création de Chopin, au centre de son œuvre, du point de vue chronologique. On ne sait pas exactement quand ils ont été commencés, mais on sait qu'ils étaient terminés en janvier 39, à Valdemossen, à la Chartreuse, où il était, en compagnie de George Sand. Et donc c'est 1839, c'est entre ses 19 ans de la Tudarem et son décès 10 années plus tard. Mais surtout, c'est un microcosme. C'est là que je préfère de beaucoup le mot microcosme à celui de miniature, pour parler par exemple de ses œuvres très très brèves, et qui stylise au dernier degré des choses qui pourraient relever de l'improvisation. D'où le mot de prélude. Parce qu'au fond, il y a toujours eu dans l'humanité, depuis le Moyen-Âge, des gens qui avaient du mal à improviser. Et il s'agissait, depuis, on a des tablatures du 15e siècle qui donnent des préludia, préambula, etc. Parce que vous avez un claveciniste, un organiste qui ne se débrouille pas très bien à faire que le bruit cesse, que le ton soit pris, que l'instrument soit vérifié. Le prélude est, en somme, sert à quelque chose, à beaucoup de choses. Donc Gide n'a pas très bien compris finalement les préludes de Chopin alors. Mais il était obnubilé par le couple prélude-fugue. Chez Bach. Alors, c'est ça qui est... voilà. Ceci dit, de toute façon, l'ordonnance des préludes de Chopin est autre que celle de Bach. Il parcourt le cycle aussi. Mais il s'agit évidemment le prétexte aurait été, pas pour Chopin, de familiariser, comme dans les études aussi, avec les 24 tonalités. Donc, se débrouiller à pouvoir jouer dans tous les tons. Ben, évidemment, Chopin bien au-delà de ça. Mais c'est une réponse à l'idée d'improvisation. Je pense essentiellement. Ce sont des moments, ce sont des humeurs, ce sont des, comme disait l'autre, des visions fugitives. Mais on ne peut pas tout expliquer. Vous-même, vous dites que le prélude opus 45, pardon, est une énigme, y compris pour vous. En quoi c'est une énigme ? Oh, mais je ne prétends pas tout expliquer, soyez bien sûr. Non. Pourquoi celui-là plus que les autres ? Pardon. Pourquoi est-il plus énigmatique que les autres ? Ah, parce qu'il est, donc, il est hors de la série, il est plus long. Il est comme une improvisation notée, il dure plus de 5 minutes, et puis il traverse avec un art à peu près unique chez Chopin, des modulations incroyables. Voilà, c'est pré-impressionniste. Parler aussi, Jean-Jacques et Geldinger, des ballades, des scherzos, des polonaises, des mazurkas. Qu'est-ce qui est le plus important ? La mazurka, parce que c'est polonais ? Oh, la polonaise aussi. La polonaise aussi, c'est vrai. Non, mais la polonaise est une chose, comment vous dire, plus solidement établie et construite éventuellement, encore que Chopin l'a dilatée à l'extrême jusqu'à cette polonaise fantaisie. Mais oui, les mazurkas avec les ballades et les préludes sont peut-être les genres que Chopin a créés. C'est vraiment un genre, c'est pas une forme. Qui n'existait pas avant Chopin ? Si, d'abord c'est une danse et une chanson à danser populaire qui est attestée en tous les cas dès le XVIe siècle, en Pologne, beaucoup dans les campagnes, un petit peu dans les villages, etc. Et puis, qui a eu dans les prédécesseurs de Chopin, Maria Szymanowska, ou bien Elsner, ou bien Kurpinski, d'autres compositeurs du 18e, créateur de l'opéra, j'allais dire italien, de l'opéra polonais, eh bien, eux ont écrit quelques mazurkas, mais qui sont les mazurkas, comment vous dire, un peu de salon, comme ça, un peu, c'est comme un produit naturel qui serait un peu civilisé pour être vendu, voilà. Alors, évidemment, à part Chopin, il n'y a que Szymanowski. j'oserais dire, pour être un peu rapide, qui écrit des mazurkas. On en a des milliers et des milliers, mais ce sont des morceaux qui ont tel rythme, qui ont telle allure, mais très très peu sont comparables aux 11 recueils que Chopin nous a laissés. Donc il faut souligner encore et encore le côté très novateur de Chopin. Complètement, oui, complètement. Et c'est un côté qui a à la fois séduit à Paris, c'est intéressant de voir, oui, que on a beaucoup aimé les nocturnes parce que ça faisait des effets extraordinaires sur les rêveries et les psychismes des gens, mais les mazurkas charmaient comme un produit exotique, en quelque sorte, qui aurait été civilisé, joué par Chopin à Paris. Mais Chopin lui-même se plaignait de ce que les Français, les Européens, autres que Polonais, ne comprenaient pas très très bien l'idéal de la mazurka, ces changements. Ouais. Mais quand même, est-ce que le nocturne, pour Chopin, ça n'est pas le sommet de son œuvre ? Moi, je ne vois des sommets que partout, mais... C'est un immense plateau très très haut, alors, pour vous, oui, l'œuvre de Chopin. C'est quelque chose d'inouï, oui, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, vous voyez que les nocturnes, vous en avez dans les préludes aussi, vous en avez dans le mouvement dans la sonate en si mineur, c'est une sorte de nocturne. Mmh. Et ailleurs, c'est dans les concertos, les mouvements lents des deux concertos sont des espèces de nocturnes. Donc c'est un genre, évidemment, hyper important, et qui est relié au cantabile dont on parlait tout à l'heure, et aussi, voilà. Au final, quel vous semble être l'enjeu esthétique le plus important pour Chopin, Jean-Jacques Geldinger ? Vous entendez par rapport à lui ou par rapport à ses idées ? Pour lui-même. Pour son esthétique ? Mm-hmm. Je crois que c'est créer un monde nouveau. Il l'a dit lui-même à l'époque des études, que il l'écrit, je ne sais plus si c'est à son maître ou à sa famille, en arrivant à Paris justement, que rien ne pourrait m'ôter le désir peut-être ambitieux, mais c'est-à-dire de créer du nouveau. Et évidemment, c'est ce qu'il a fait, notamment avec les études, et c'est ce que Liszt a regardé émerveillé, et qu'il a... Admiré, un peu capturé aussi. Ouais. C'est le premier moderne alors, Chopin ? Sans vouloir l'être. Il y a beaucoup de liens avec Delacroix, vous savez, son grand ami. Beaucoup de liens esthétiques là. Ce sont deux admirateurs des grands classiques, et ce sont deux novateurs, mais qui ne cherchent pas à créer un impressionnisme aussi ou ça, vous voyez. Chopin veut créer du nouveau, mais n'a pas le souci de léguer à la postérité je ne sais quel mouvement qui serait appelé ci ou ça. C'est des choses qui l'auraient plutôt agacé, parce que c'était quelqu'un d'extraordinairement conscient et d'une extraordinaire modestie dans sa conscience. Qu'est-ce qui reste le plus aujourd'hui ? Alors j'ai envie de vous poser la question doublement, pour vous et pour le monde. Pour vous d'abord, quel est le plus beau de ces morceaux ? Ah mais je ne peux pas vous répondre, ça m'est impossible. Non, je voudrais bien, mais non, ça m'est impossible, je les aime tous terriblement. Et voilà. Le plus célèbre, c'est quoi ? Est-ce que ce n'est pas finalement la marche funèbre ? Parce que cette marche, elle incarne la mort dans le monde entier. Il suffit, oui, d'entendre trois notes et on sait, oui, de quoi il s'agit. Ah oui, bien sûr, c'est un morceau incroyable. Mais vous voyez ce qu'on racontait tout à l'heure, le fait que Chopin lui a enlevé son adjectif, tout à coup, mm-hmm, c'est une marche. C'est tout à fait intéressant, oui. La marche la plus célèbre, funèbre, la plus célèbre au monde, a été débaptisée par son auteur, ça. Oui. Merci beaucoup, Jean-Jacques Geldinger, d'être venu nous présenter aujourd'hui l'œuvre de Frédéric Chopin. Pour aller plus loin, on peut se reporter à vos très nombreux livres qui seront tous en ligne sur le site de l'émission. Et puis je voudrais signaler quand même que vous venez de faire paraître un dernier ouvrage. Il s'appelle « Autour des 24 préludes de Chopin ». On en a beaucoup parlé aujourd'hui avec vous de ces préludes de Chopin. Et il est disponible, votre livre, aux éditions Musée Chopin et Sand à Majorque. Merci beaucoup Jean-Jacques et Geldinger, dans quelques instants en compagnie des revues. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. compagnie des revues et aujourd'hui en compagnie du magazine L'Express. C'est avec vous Christophe Carrière, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez nous parler aujourd'hui des films collectifs. Oui, vous allez vite en besogne sur la dénomination. Est-ce que vous savez ce que c'est que la taxinomie? Alors, écoutez, moi je ne savais pas, j'ignorais ce mot. Ça résonne un peu comme une pathologie bénéfique aux véhicules de transport avec chauffeur. Vous savez, les fameux VTC. Il n'en est absolument rien, évidemment. La taxinomie, c'est une classification d'éléments ou de listes propres à un domaine, généralement en science. Eh bien, le moins qu'on puisse dire est que la taxinomie du cinéma n'est pas une science exacte. Prenons un exemple précis pour illustrer mon affirmation et l'éclairer aussi, parce que je sens bien que vous ne savez pas trop où je veux en venir. L'excellent « Trois jours et une vie » de Nicolas Boukrieff est à l'affiche actuellement. L'histoire d'un gamin de 12 ans qui accidentellement en tue un autre de 6. Ça se passe dans les bois, aux abords d'un petit bourg des Ardennes belges. L'assassin, malgré lui, plante le cadavre dans une crevasse, panique au village, où chacun se met à suspecter son voisin jusqu'à ce qu'il se passe. Un événement qui change tout, dont je ne vous dirai évidemment pas la nature, ni ce qui en découle. J'en reviens à ma taxinomie. Dans quoi classer Trois jours et une vie? Un film d'auteur? Un thriller? Un drame psychologique? Eh ben, vous mettez les trois et puis vous les emballez dans une boîte que vous rangerez au rayon film de commande. Ouh là là, le vilain mot. Ouais. Dans le landerneau du cinéma français, quand vous dites film de commande, l'intelligentsia se pince le nez. Un film de commande, c'est un projet initié par un producteur ou, dans le cas de Trois jours et une vie, par un scénariste, en l'occurrence l'écrivain Pierre Lemaître, et le projet est ensuite confié à un réalisateur. Un projet commercial, vous voulez dire? Ouais, pas forcément. C'est une pratique courante aux États-Unis et qui était d'usage en France jusqu'à l'arrivée de François, Jean-Luc, Claude et les autres. Vous voyez de qui je veux parler, c'est la nouvelle vague, oui. C'était tellement simple que ça en paraissait évident. Le réalisateur devait être l'auteur de ses propres histoires. Sans quoi le cinéaste n'était qu'un exécutant, un yes-man, un technicien. Et tandis que Claude Chabrol, justement, ou Alain Resnais, ou même plus tard André Téchiné, accepteront volontiers d'adapter leur savoir-faire au service d'une histoire proposée par un autre, parce qu'on ne peut pas toujours être aspiré H24, une majeure partie de leurs congénères firent du concept auteur-réalisateur un dogme. Ouais. D'où une flopée de films français qui, au pire, tournent en rond, au mieux, manquent d'originalité. Pourtant, pour avoir mené une enquête sur le sujet que je vous invite à lire dans l'Express, en kiosque cette semaine. On lit toujours l'Express. Hein. Voilà. Ou sur l'appli l'express.fr, c'était le flash pub de cette chronique. Mmh. Je vous assure que l'ego des auteurs n'est pas seul en cause. Nombre de cinéastes, jeunes et moins jeunes, accepteraient volontiers une commande, à condition que le scénario soit aussi bon que celui de Trois jours et une vie, ou Des hommes et des dieux, ou SS-117, ou Ridicule de Patrice Lecomte. Lecomte qui remercie encore aujourd'hui les trois réalisateurs démarchés avant lui, qui ont refusé de mettre en scène ce bijou sous prétexte qu'il n'était pas le fruit de leur imagination. Alors, un film de commande n'a de sale que l'appellation. On commande des sushis, on commande une livraison, on commande un meuble, on commande un taxi, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec la taxinomie du cinéma, encore une fois. Et du VTC. Voilà, au cœur de laquelle il faudrait trouver un substantif pour définir ces longs métrages où chacun fait ce qu'il sait faire. Le producteur produit, le scénariste scénarise, le réalisateur réalise, et même, pourquoi pas, le dialoguiste dialogue. Vous avez remarqué que ça fait des lustres qu'il n'y a plus de dialoguiste au générique. Mais bon, on ne va pas compliquer. Si on appelait ça un film collégial, un film collectif, comme vous l'avez dit, ou un bon film, tout simplement. Vous en voulez cas, un c'est... Il y en a un, c'est Trois jours et une vie, il faut aller le voir. Voilà, c'est votre conseil de la semaine. Vive les commandes et merci beaucoup Christophe Carrière. Tout cela et bien plus encore à retrouver évidemment dans le magazine L'Express. C'était la Compagnie des œuvres, une émission de Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Anthony Thomasson. Émission qui se décline, vous le savez, sur 4 jours. On se retrouve donc demain pour continuer à parler de Chopin, sous l'angle cette fois du romantisme et de la virtuosité pianistique.